Stephen King aime les petits lapins. Stephen King aime les gros toutous. Stephen King a écrit Cujo et Lady Stig l'a adapté. Bonjour et bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock, je suis toujours avec Chris, bonjour. Salut. Ça va? Bah écoute, ça va très bien. T'as bien aimé Cujo, t'es prêt à en parler? Moi j'adore les animaux, tu le sais bien. Ouais, c'est un film animalier, ça fait toujours plaisir, pour les enfants. C'est ça. Pour une sortie en famille. C'est ça, un film familial. Faudrait le projeter au prochain festival du film de chien, faudrait le suggérer, tiens. C'est ça, je pense qu'Ovidi sera très content de cette suggestion. On lui enverra un tweet. Je propose qu'on y aille tout de suite. Comme d'habitude, je vous rappelle que si vous n'avez pas lu le livre et pas vu le film, nous allons spoiler l'intrigue. Donc si vous ne voulez rien en savoir, regardez-les ou lisez-les et revenez ensuite. Et on y va. Cujo nous raconte l'histoire d'un gros Saint-Bernard, Cujo qui est tout gentil, mais qui un jour, alors qu'il s'amuse à chasser un lapin, se fait mordre par une chauve-souris qui lui transmet la rage, et donc peu à peu il va tomber malade, sombrer dans la folie meurtrière. Alors que son propriétaire, qui est un enfant pauvre, et sa mère sont partis en vacances, il tue le père de famille, qui était un homme violent, puis il assiège Donna et Tad, une mère et son enfant de 5-6 ans, je crois. C'est ça, à peu près, ouais. Qui sont bloqués dans leur voiture, qu'ils devaient justement venir faire réparer chez les Camber. Et la voiture est bloquée, c'est en plein soleil, Cujo est enragé, et la mère et le fils vont rester bloqués plusieurs jours, tandis que le père, lui, est en voyage d'affaires. Spoiler, ça tourne mal. Alors Cujo, c'est un de ses romans, on l'avait déjà mentionné, sur lequel on a assez peu d'informations en ce qui concerne son écriture, puisque ça date des années 80. Le roman est publié en 1981 aux États-Unis, en 82 en France. Et cette période-là, c'est l'époque où King est très alcoolisé et très à fond dans les drogues. Donc lui-même dit qu'il ne se souvient quasiment pas de l'écriture de Cujo et qu'il le regrette parce que c'est un roman qu'il aime plutôt bien. On sait seulement que l'idée lui est venue d'une expérience similaire qu'il a vécue en 1977 parce qu'il était allé dans un garage un peu isolé, alors lui, pour faire réparer sa moto, et il avait été accueilli par un Saint-Bernard qui n'était pas sympathique du tout. Pas enragé, mais qui n'aimait pas les visiteurs. Le contraire de Cujo, pour le coup. Ouais, c'est ça. Au moment où sa moto le lâchait complètement. Et il avait lui-même une Ford Pinto, une autre voiture, qui était, elle non plus, pas en très bon état. Il a aussi lu dans la presse apparemment l'histoire d'un enfant tué par un chien dans le Maine, donc tout ça s'est mélangé et lui a donné envie d'écrire ce roman. Le nom Cujo est basé sur le pseudonyme que Willie Wolfe avait pris au sein de la SLA, dont on a déjà parlé. C'était ce groupe anarchiste qui avait capturé Patty Hearst, la riche héritière, et qui avait déjà inspiré le personnage de Randall Flagg dans Le Fléau. Ouais. King avait voulu écrire un roman sur ce thème-là précisément, mais il n'avait pas réussi. Du coup, il réutilise des bouts par-ci par-là. D'ailleurs, le vrai pseudo du type, c'était Cujo, apparemment, mais la presse l'avait mal écrit. D'accord. D'où le fait que ça soit transformé en Cujo. On peut aussi noter que, à part le sous-entendu comme quoi Cujo serait potentiellement la réincarnation de Frank Dodd, le tueur de Dead Zone, il n'y a absolument pas de fantastique dans ce roman, et c'est la première fois qu'il n'y a pas d'élément fantastique dans un roman que King signe King. Il y avait déjà eu un peu ça dans les Pac-Man, mais jamais dans des romans sous le nom King. Mais à la base même, il envisageait de l'écrire sous le pseudonyme de Pac-Man. C'est vrai que ça aurait été plus pertinent de l'écrire sous le pseudonyme de Pac-Man à l'époque. Ouais, après je crois que c'est l'époque où il commençait à songer à abandonner Bachman parce qu'il avait déjà publié les 4 premiers livres, après il y a encore La peau sur les os qui va sortir quelques années plus tard et qui pour le coup introduit du fantastique chez Bachman, mais c'est un pseudonyme qu'il va vite abandonner, il y songeait peut-être déjà à l'époque. Mais du coup c'est marrant, on se retrouve avec Cujo qui aurait pu être du Bachman et avec La peau sur les os qui aurait pu être du King, oui. C'est plutôt rigolo. Je crois que c'est peut-être La peau sur les os qui a incité les gens à se dire vraiment que Bachman c'était King, oui. D'ailleurs il ressemble beaucoup à du King. On retrouve aussi un autre personnage qui était déjà apparu chez King dans Dead Zone, avec le shérif Bannerman, qui dans Cujo va connaître un destin un peu tragique. C'est ça, le pauvre. Et le livre sort le 8 septembre 1981 chez Viking Press, c'est le 3e livre de King publié chez eux, avec un premier tirage de 150 000 exemplaires, ce qui fait 50 000 de plus que son précédent roman sous le nom King, qui était Charlie, et 100 000 de moins que le suivant, Christine. Donc à l'époque, il y avait vraiment une augmentation très rapide des tirages de King. Aujourd'hui, ça s'est stabilisé autour d'1,5 million à peu près, là, ensemble. Bah là, c'est l'époque où il commençait à être vraiment sur un piédestal. Ouais, il y avait vraiment la confiance. C'est ça. Le livre se vend très bien, comme d'habitude, mais la fin du livre a pas mal divisé, parce qu'à la fin, donc, Donna va se rendre compte que son fils est vraiment très très mal, et donc va sortir et tuer Cujo à coups de batte de baseball, sauf que quand son mari arrive, quelques instants plus tard, il se rend compte que le fils est déjà mort, depuis plusieurs heures, apparemment. De manque d'hydratation, ouais. De déshydratation. Donc c'est une fin très très sombre que beaucoup de lecteurs lui ont reproché. Il a reçu, apparemment il dit qu'il a jamais reçu autant de courriers de lecteurs négatifs que pour la fin de Cujo. Et même la critique presse divise un peu à ce niveau-là. Par exemple, le critique du New York Times à l'époque, qui était Christopher Lehman Haupt, dit qu'il a quand même aimé le livre, mais que cette fin était pour lui trop sombre. Mais même lui, il la regrette un petit peu. Ouais. Il a déjà dit, s'il y avait un roman qu'il aimerait bien réécrire, ça serait Cujo déjà, parce qu'il se souvient plus du tout de l'écriture et que bah, c'est un roman qu'il apprécie. Tu l'as déjà dit, mais effectivement, la fin, il aimerait bien la réécrire s'il le pouvait. C'est pour ça qu'apparemment, dans la première version du script qui était de lui, Tad ne mourait déjà pas. Aujourd'hui, c'est un livre qui semble toujours un peu divisé, parce que je l'ai vu sur plusieurs listes des meilleurs romans de King, mais il y en a d'autres où, au contraire, il est vraiment, vraiment dans les derniers. Et je l'ai rarement vu au milieu, en fait, Cujo. Mmh. C'est un roman qui... C'est soit ça plaît, soit ça ouais, plaît c'est ça qui divise beaucoup. Je trouve assez intéressant de noter que King a écrit d'affilée, probablement, Cujo et Cimetière, qui sont pour moi ses deux romans les plus sombres signés sous son vrai nom, et deux romans qui ont un rapport avec des animaux de compagnie et avec la mort d'enfants. Donc il devait vraiment traverser une mauvaise période. Peut-être parce que ses enfants étaient tout jeunes à l'époque, donc il avait des angoisses autour de ça, oui. qui naissaient. Mais c'est deux romans que je trouve assez proches. D'ailleurs, Cujo est mentionné dans Cimetière. Oui, exact. Au tout début du roman. Ouais. C'est un roman qui est régulièrement mentionné, d'ailleurs. Je crois qu'il l'est aussi dans La Part des Ténèbres. Ah oui, parce qu'on en parlait, en parlait à notre épisode sur La Part des Ténèbres. Il est même cité dans d'autres œuvres qui n'ont rien à voir avec King. Oui, aussi, parce que c'est une œuvre qui a pas mal marqué l'imaginaire populaire. Oui. Mais on va pouvoir passer à nos avis. Que penses-tu de Cujo ? Comme dit précédemment, c'est un roman très très sombre, parce que avant d'être un livre d'attaque animale, c'est aussi un livre sur la famille. Mais vraiment, c'est un livre qui se concentre énormément sur ses personnages. Mm-hmm. Comme les Fast and Furious, hein, c'est sur la famille. Si on veut, mais bon, remarque, il y a une sorte de voiture aussi. Ouais, voilà, il y a une voiture. Peut-être que dans Fast and Furious 9... Faudrait demander à Vin Diesel, mais je suis sûr qu'il y a une inspiration. Vin Diesel, Fitz Cujo, peut-être, on ne sait pas. Plus sérieusement, on suit la famille de Donna, Tad et Vic, il me semble, c'est le nom du père. C'est les Trenton. Voilà, qui est une famille qui commence à être un petit peu dysfonctionnelle en début de roman. On apprend que Donna trompe son mari, que lui a des soucis au niveau du boulot. Lui, son boulot, ça consiste à travailler dans la pub. Il y a un petit souci. Déjà, c'est un souci. Il y a un petit souci, c'est qu'il y a un produit, qu'ils ont fait une magnifique pub pour un produit qui a tendance à rendre malade les gosses. C'est un petit peu problématique. Donc, du coup, lui aussi a du stress. Leur enfant, lui, traverse une période où il voit des monstres dans son placard, où il a des terreurs nocturnes. Donc, on suit cette famille qui commence peu à peu à sombrer, et en parallèle, on suit aussi la famille. Qui appartient à Cujo. Ouais, Camber. Et la famille des Camber, où le père est un père brutal envers sa femme, pas forcément envers le gamin, même s'il a tendance à serrer un peu la vis, mais il lève pas la main sur lui, me semble. Il tape pas sur le gamin, mais il est très froid avec lui quand même. Voilà, et par contre il tape sur la maman. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait Cujo, en plus de tout ce qui va arriver par la suite dans le roman, est un roman très sombre, parce que ça se concentre sur ces personnages-là, et que ça leur fait pas de cadeau en fait. C'est vraiment... Tous ces personnages-là, ils sont remplis de doutes et ils sont remplis d'une tragédie énorme. Et bah, la fin du roman, comme on l'a évoqué, va pas les épargner. Plus que ça, je te laisse un petit peu prendre la parole si t'as des trucs à rajouter. Non, globalement, je suis d'accord avec ton avis. C'est un roman dont j'aime beaucoup la mise en place, parce que c'est pas très long. Moi, dans mon édition, il fait à peu près 300 pages. Oui, moi, il en fait 400 et quelques. Ouais, c'est écrit petit en anglais. Et on peut dire qu'il se divise en deux moitiés. La deuxième moitié, c'est la partie connue, donc le siège de la voiture avec Donna et Tad qui sont enfermés. Et toute la première parle de... Enfin, c'est la mise en place de cette situation finale. Et je trouve ça très intelligent d'avoir pris autant de temps pour en arriver là, parce que d'une part, ça nous attache aux personnages, ouais, à tous les personnages, y compris Cujo. On a une vraie empathie pour eux à la fin, pendant le siège, quoi. Ouais. Et en plus, ça rend crédible l'enchaînement de petits hasards qui font que la situation est possible, parce que ça arrive sur 150 pages, et c'est effectivement un enchaînement de coups de malchance qui font que Donna et Tad sont complètement bloqués sans la possibilité de prévenir qui que ce soit, sans qu'il y ait personne qui puisse s'inquiéter pour eux. Et s'il l'avait amené en une cinquantaine de pages, je pense que ça serait pas passé. Mmh. On aurait trouvé ça beaucoup trop gros comme hasard. Oui, il n'y a pas aussi tout le développement avec Steve, donc le personnage avec qui Donna trompe son mari. Steve, lui, quand Donna décide de ne plus le fréquenter, est pris d'une colère hallucinante et il commence à faire chanter Donna et à écrire des lettres pour faire comprendre à Vic qu'il est trompé, qu'il est cocufié. Mmh. Lui-même apprend que Donna le trompait avec Steve. Et en fait, tout ça fait que lui, quand il s'étonne de ne pas avoir de nouvelles de sa fille et de son fils, pense que c'est Steve qui a fait le coup, que c'est Steve qui les a kidnappés. Il pense pas du tout au fait que, bah, elle devait se rendre au garage, donc on va aller voir au garage. Du coup, ça passe en second plan. Et c'est pour ça que, du coup, ils mettent du temps à les trouver. Et puis, il s'inquiète pas aussi vite qu'il se serait inquiété si tout allait bien dans sa famille aussi. Voilà. Les premières fois où il essaie d'appeler, il se dit que c'est parce qu'ils se sont disputés juste avant qu'ils partent, et que donc c'est lié à ça si Donna ne répond pas. C'est ça, et ça compte, on en reviendra plus en profondeur dans le film, mais c'est pas du tout évoqué dans le film, ou alors vraiment en surface. Quand même, je trouve. Ouais, mais il n'y a pas... Enfin, moins que dans le roman. Oui, moins, tu vois, t'as moins l'aspect enquête pour savoir ce qui se passe. Ouais. Et pour savoir où ils sont passés. C'est une histoire de gain de temps aussi. Voilà, c'est pour ça. Mmh. Parce que oui, même pendant le siège, on reste pas en huis clos, on passe pas mal de temps aussi avec les autres personnages, donc notamment avec Vic, un peu avec Steve, et aussi avec la mère et le fils des Camber, qui sont chez la sœur de la mère. Il y a ouais. plusieurs scènes où on est avec eux. Ouais, mais pas énormément avec eux. Pas tant que ça, mais ils sont là quand même. Mmh. On suit le fils qui s'inquiète pour son chien. Oui, voilà. Ce qui est pour le coup totalement supprimé du film, mais c'est compréhensible. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est dans le film que c'est supprimé. Ouais. Je faisais un millimélo. Ouais, dans le film, c'est totalement supprimé, oui. Ça. C'est aussi un livre qui est assez notable, je crois que c'est le seul de King, mais après, je les ai pas tous vérifiés non plus, qui ne n'ait aucune division, ni en chapitre, ni en partie, ni en rien. C'est ce que j'ai relevé pendant la lecture. Il y a absolument aucune coupure. Alors, des fois, il y a un saut de ligne, mais ça donne un côté un peu oppressant à l'ensemble. T'as l'impression d'entrer dans un bloc et de pas en sortir avant la fin, de jamais avoir d'échappatoire réel. En fait, t'as un saut de ligne dès que tu changes de personnage, tout simplement. Ouais, c'est ça. Mais c'est assez discret. Mm. Ça, l'édition que j'ai en plus le renforce, vu que c'est écrit petit, c'est des tout petits espaces qui sont laissés de temps en temps, ça renforce un petit sentiment de claustrophobie un peu. Mais oui, c'est ce que j'ai remarqué pendant ma relecture, je fais, mais tiens, c'est pas chapitré. Je crois que c'est le seul de King qui a cette particularité. C'est la question que je me posais, et c'est bien ce qui me semble également, c'est le seul qui soit pas chapitré. Et j'aime beaucoup également le final qui, après avoir vécu tout ça, après avoir vécu les assauts répétés de Cujo, le fait que King développe ce qui se passe après, l'après-cauchemar, l'après-drame. Oui. Tout ça, c'est bien vu, parce que c'est pas du tout présent dans le film. Et c'est vraiment très agréable, et le fait aussi que, il rassure le lecteur, je sais pas si c'est comme ça qu'il le voulait, mais sur Cujo en lui-même, en disant, si Cujo a agi comme ça, c'était pas parce que c'était un méchant chien, parce qu'un chien, de base, c'est pas méchant, c'est à cause de ce qu'il a eu, de ce que la chauve-souris lui a fait, de la morsure qui lui a transmis la rage, que lui n'est responsable de rien. Oui. J'aime bien le fait que King prenne le temps, du coup, de pardonner à cette créa, à son monstre en fait, au monstre qu'il a décidé de faire incarner par Cujo. Ce qui est, je trouve, plus ou moins amené déjà tout du long, parce qu'on a pas mal de moments du point de vue du chien, notamment au début, et le chien se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a des scènes où il se rend compte, et ça reste jusqu'à assez tard, les chapitres sur son point de vue. Après, au bout d'un certain moment, il est de toute façon trop... trop atteint pour encore penser quelque chose, il agit presque en zombie. Mais jusqu'au dernier moment, King essaie de nous laisser des moments où on est du point de vue de Cujo et on se rend compte que c'est pas de sa faute, il contrôle rien de ce qu'il fait. Et encore, même quand il est très atteint, quand on est dans ses pensées, il nous dit bien qu'il attaque parce qu'il pense que la personne qui attaque est responsable de l'état dans lequel il est. De sa douleur, ouais. De sa douleur, et que donc si il attaque et qu'il met fin à la vie de la personne qu'il attaque, il va redevenir normal. Il y a quand même une volonté, en fait, de Cujo de redevenir le gentil chien, comme il se décrivait au tout début du roman, ce qui se décrit comme ça, il se décrit en « il veut être un bon chien ». Oui, ça c'est vraiment intéressant d'avoir un monstre qui finalement n'en est un que par malchance. C'est ça, c'est plutôt bien amené, c'est plutôt bien écrit, tous les passages où on est dans la tête de Cujo, le fait que lui ne nomme pas les personnes par des noms, il les définit comme l'homme, la femme, le garçon, voilà, c'est assez attachant au final. Ah oui, à ce niveau-là, je trouve qu'il a vraiment bien réussi son coup, King. Mm. Apparemment, il y a eu des gens qui ont reproché, alors au livre et je crois encore plus tard au film, de justement trop critiquer les chiens en parlant de la rage, mais je trouve justement qu'il en fait une utilisation plutôt fine en disant bien que c'est pas de la faute des chiens et que les chiens sont pas méchants. Ah oui, c'est ce qu'il dit à la fin, c'est la conclusion du bouquin. Oui, donc, oui c'est très étrange comme critique. Bon, tu sais. Les critiques, des fois. Oui, voilà. Et puis la fin est vraiment, vraiment très dure parce qu'on s'attend à ce que quand Donna réussit à enfin tuer Cujo, ce soit une sorte de fin heureuse, qu'elle puisse récupérer son fils après être allée à l'hôpital. Et la fin vient vraiment comme un coup près, très brutal. Il n'y a que pour un personnage où la fin n'est pas pleine de joie, mais ça pèse un peu, bah c'est Brett, c'est l'enfant à qui appartenait Cujo, qui du coup a un nouveau chien. Oui. Alors un plus petit chien, on nous le décrit. Hein. Et puis il a plus son père qui paralyse la famille. Oui, voilà. Et donc c'est une fin en demi-teinte pour lui. Mais en fait, et c'est ce que je me suis dit en lisant la fin, c'est vraiment, c'est un film dramatique, mais jusqu'à la fin, parce que à la toute fin, on nous dit que le terrier dans lequel s'était terré le lapin pour échapper à Cujo, personne l'a trouvé, et que le lapin est mort de faim dans ce terrier. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais même le lapin, il n'est pas épargné, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ouais, c'est vraiment un livre mais dramatique, mais jusqu'à la fin, jusqu'à sa conclusion. C'est à ce niveau-là que je le trouve vraiment efficace, parce que c'est un livre qui marche dans son horreur, dans toute la mécanique qu'il met en place, et il est vraiment implacable, il ne nous laisse jamais respirer. Une fois que le piège s'est refermé, il ne nous laisse plus du tout respirer. Oui, parce que là, et puis pour le coup, c'est vraiment une horreur et psychologique et palpable. Oui. Voilà. Et puis surtout, c'est une horreur dont on se dit qu'elle est crédible. Voilà, c'est ça. C'est un enchaînement de malchance, mais en soi, ça peut arriver. C'est ce que j'allais dire, c'est totalement malheureusement réalisable. Des gens qui sont morts parce qu'ils ont été mordus par un chien enragé, c'est déjà arrivé, de toute façon. C'est déjà arrivé, puis ça pourrait arriver encore aujourd'hui. Oui, c'est sûr que ça arrivera de nouveau. Voilà, c'est une maladie qui est facilement contenue, mais bon, voilà. Donc ouais, un livre que je trouve très efficace, très bon traitement psychologique des personnages, ça King le faisait souvent. Et comme encore une fois, c'est un livre qui a un casting plutôt refermé, il a bien le temps de tous les développer suffisamment. C'est un des rares livres de cette époque de King qui est une femme comme personnage principal aussi. Ouais, qui est plutôt bien écrite en plus. Qui est plutôt bien écrite. Vraie femme, vraie femme forte qui agit par pur instinct maternel. Ça reviendra pas avant sa trilogie des femmes battues dans les années 90, je crois. Et avant, il y avait eu que Carrie, et le statut de Carrie est quand même un peu ambigu. Voilà, c'est ça. Très bon King des années 80, bien brutal, qui donne, comme tu as dit, un aperçu de ce qu'il pouvait faire sous le nom Bachman, parce qu'il y a un côté sec aussi dans l'écriture et dans la situation qui était plus caractéristique de celui-là. Ah oui, clairement, pour moi, ça aurait pu être un... Enfin, ça aurait dû, à la base, être un Bachman. Ouais, je sais pas du tout pourquoi il l'a signé sous le nom King, peut-être parce qu'il avait rien d'autre à publier à ce moment-là. Que les gens demandaient un King juste après Dead Zone, qui avait eu un certain succès. Peut-être c'est ses éditeurs. Peut-être. Après, Dead Zone, déjà, même s'il est quand même assez fantastique, enclenche quand même quelque chose de plus terre-à-terre. Oui. Voilà. Et Cimetière, pareil, malgré sa dimension fantastique, est un livre très terre-à-terre. Voilà, King change beaucoup à cette époque-là, tout de même. Ouais, bah c'est un auteur qui se cherche même encore aujourd'hui de toute façon, hein, qui fait vraiment des changements de genre un petit peu comme il le souhaite, quoi. Oui. Clairement, c'est l'une de ses forces, donc il semble qu'il s'en soit aperçu assez tôt dans sa carrière. Grand bien lui fasse et grand bien nous fasse. Bah, parce que assez tôt, il a voulu ne pas être catalogué que comme l'écrivain d'horreur. Hein. Voilà, c'est ça. Malheureusement pour lui, il l'est quand même. Oui, il l'est quand même. Mais bon, par le grand public, dès qu'on commence à se pencher un peu sur son œuvre, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de trucs que ça. On se rend compte qu'il y a du Bachman qui est beaucoup plus terre à terre. On se rend compte qu'il a fait du conte avec Les yeux du dragon, enfin L'œil du dragon plutôt. Voilà. L'héroïque fantasy, enfin plein de trucs. Voilà. Mais voilà, moi j'ai rien à rajouter sur le livre. Ouais, bah, moi aussi j'ai fait le tour au niveau du bouquin. Très bien, bon bah on va passer au film alors. Et bah c'est parti. Nothing that lives in the imagination is more frightening. Terror that lives in Castle Rock, Maine. Cujo? c'est bien. Puis il est soigné bien. Kenny. Oh my God, I'm losing my baby. Novel by Stephen King, creator of Carrie and The Shining, comes a startling vision of fear. Please, God, get me out of here. Now there's a new name for terror. Cujo. Le premier scénario du film est écrit par King lui-même et selon Lewistig, le réalisateur, le plus gros défaut de ce scénario, c'était qu'il s'éloignait trop du roman, ce qui m'étonne un peu venant d'un scénario de King. Mais voilà. Tout ce que j'en sais, sinon, c'est qu'apparemment Cujo ne mourrait pas. Tad ne mourrait pas dans cette version. Ensuite, Cujo non plus, ils devenaient potes à la fin. À la fin, ils devenaient potes, ils allaient à Disney ensemble. Ils adoptaient un chat. C'était la fin de Shaun of the Dead, tu sais, t'as le chien enragé dans une cabane. Et ils boivent des coups ensemble. Ensuite, c'est Barbara Turner qui reprend le scénario, elle est appelée Lorraine Currière au générique. Elle repart de zéro, elle ne garde quasiment rien de ce qu'avait fait King. C'est une scénariste et actrice déjà active depuis un moment à l'époque de Cujo. Elle avait par exemple coécrit Petulia de Richard Lester, qui est assez connu mais que je n'ai pas vu. Et depuis, elle a scénarisé Pollock, le biopic sur le peintre Jackson Pollock. Une bonne partie de son scénario sera conservée, visiblement la majorité du huis clos, ça vient directement de son scénario. Son défaut, toujours selon Lewistig, c'est qu'il était trop long et parfois trop bavard. Donc il appelle Don Carlos... Enfin, pas Lewistig, mais la production appelle Don Carlos Dunaway, qui en dehors de ça n'a écrit que sur des séries, j'ai l'impression, dont 200$ plus les frais et Kaz, je ne connais aucune des deux, mais il a pas mal écrit dessus, bref. Donc Don Carlos Dunaway est appelé pour reprendre le scénario, et ça passera entre autres par la suppression de pas mal de dialogues, ce qui a aussi été encouragé par Dee Wallace, elle en parle dans son commentaire. Visiblement, dans le scénario de Barbara Turner, la mort de Tad avait été rétablie. Elle est resupprimée dans la troisième version du scénario. Encore une fois, Dee Wallace en parle dans son interview dans les bonus du DVD. Ils ont demandé l'aval de King, qui a dit « Mais oui, allez-y, je vous donne ma bénédiction pour le faire. J'ai jamais reçu autant de lettres mécontentes oui. que quand j'ai tué Tad. » C'est ça, on y revient. Et puis, c'était une de ses volontés de base dans son premier scénario. Oui, voilà aussi. À la fin de son premier scénario écrit par lui-même, l'enfant survivait, donc... Il n'allait pas rechigner à ce qu'il survive après. Oui, c'est ça. Le scénario de Barbara Turner apparemment gardait aussi l'idée que Frank Todd était la réincarnation de Cujo. Ça commençait sur un plan qui allait sur sa tombe dans le cimetière, vu que Dead Zone était déjà sorti à l'époque. Mais finalement, ça n'a pas été gardé non plus. Et tant mieux. Enfin, oui. Pour moi, tant mieux. Vraiment, tous les éléments fantastiques ont été supprimés du film, et c'est une bonne chose, je pense. Tant mieux, parce que, pour moi, autant le dire tout de suite, je trouve que c'est un élément qui rentre trop même dans le roman, en fait. Bah, c'est un élément, c'est surtout Bannerman, hein, je crois, le shérif qui pense ça. On peut dire c'est aussi son ressenti de choc, c'est son état de choc, donc ça passe. Mais oui, il apporte pas grand-chose, en tout voilà. cas. Voilà. Mais même, du coup, la présence de ce shérif-là, ça aurait pu être un autre flic, en fait. C'est... Bah, vraiment. C'est parce que c'est Castle Rock et que ça se voilà, passe à la même époque. C'est ça, mais ça n'apporte pas grand-chose, quoi. Oui. En dehors de ça, il y a la suppression de quelques sous-intrigues, donc tout ce qui concerne les Camber, une fois qu'ils sont partis en vacances. Ça, mais sinon, le film est assez fidèle au roman. Mm. Il va accélérer certaines choses, bien sûr, mais il reste très proche, y compris dans le déroulé. Il y a la même division en deux parties du film. Mm. King avait vu le film L'incroyable alligator de Lewistig, un film d'horreur un peu parodique, apparemment. Oui, c'était une comédie horrifique. Ouais, je l'ai pas vu. C'est bien. Que sympathique. D'accord. Je retiens. Donc c'est lui qui a suggéré ce réalisateur au producteur Dan Blass, et Tig commence à travailler sur le film, mais un des studios qui était impliqué à l'époque refuse que ce soit lui, et impose comme réalisateur Peter Medak. Donc Lewistig, il avait travaillé à l'époque sur plusieurs productions de Roger Corman, apparemment, ce qui lui a appris à travailler très vite, en tant que monteur et assistant réal. Depuis, il a refait quelque chose avec King, avec Cat Size, un scénario original de King. Aucun rapport avec le manga de Tsukasa Ojo. Mais on l'abordera quand même. On l'abordera. Cat Size, le film, pas le manga de Tsukasa Ojo. Voilà. On s'y perd. Dommage, il est bien aussi le manga. Oui. Et il a réalisé Le Diamant sur le Nil, qui est la suite de La Poursuite du Diamant Vert. Voilà. Sympathique aussi. Je savais même pas qu'à La Poursuite du Diamant Vert avait eu une suite. Bah, les deux sont des films d'aventure sympathiques sans être extraordinaires, quoi. D'accord. En dehors de ça, il a surtout fait des téléfilms et des épisodes de séries. Donc Cujo reste, je pense, son œuvre majeure. Oui. Et même lui le dit, d'ailleurs. Le réalisateur qui a été choisi, Peter Medak, il venait de réaliser L'Enfant du Diable, qui avait une certaine renommée à l'époque. Mais en dehors de ça, j'ai pas l'impression qu'il ait fait grand-chose de majeur. En tout cas, rien que je connaisse, moi. Non, même plus. D'accord. Et il sera licencié après une journée de tournage pour différents artistiques. Dee Wallace dit que, notamment, il voulait souligner les sous-entendus sexuels de l'intrigue et rendre beaucoup plus sexy son personnage, son héroïne, alors qu'elle la concevait comme une mère de famille qui devait justement être plutôt ordinaire. Mais c'est ce qu'elle est, en plus. Bah, c'est ça. Donc du coup, Lewistig est rappelé en urgence avec 2 jours pour se préparer à tourner. Apparemment, non, avec un jour. Un jour, c'est lui qui réussit jours. À négocier le deuxième, ouais. Extraordinaire, quoi. À la production, on retrouve Robert Singer, qui depuis a été producteur exécutif de Supernatural, dont il a réalisé aussi un bon paquet d'épisodes. Qui est une série très sympathique, hein. Je défendrai cette série bec et ongle, Supernatural. Je sais pas, je l'ai pas vue, donc je peux pas te dire. C'est une série très sympathique, qui a beaucoup de détracteurs. Il a aussi été producteur exécutif de Lois et Clark. Une autre série sympathique, Les Nouvelles Aventures de Superman. Pour le coup, ça, j'ai vu quelques épisodes, j'en ai pas un souvenir marqué, mais j'étais petit. Oui, bah. Et il a travaillé sur plusieurs autres séries, mais de manière plus, moins importante. Et l'autre producteur, c'est Dan Blass, qui avait déjà produit Hurlement, d'où le fait qu'il ait recommandé Dee Wallace à la réalisation. Hurlement, qui est un film très sympathique de Joe Dante. Ouais, on est d'accord. Un film de loup-garou. Ouais. Le directeur de la photographie, c'est Jan de Bont, qui est d'origine néerlandaise et qui a travaillé sur plusieurs films de Verhoeven, donc Business is Business, Turkish Delice, Katy Tipple, Le Quatrième Homme, La Chair et le Sang et Basic Instinct. Ah oui, ça en fait une belle liste. Ainsi que pour John McTiernan sur Piège de Cristal et À la Poursuite d'Octobre Rouge. Il n'a pas travaillé sur les plus mauvais en plus. Voilà. Il a aussi travaillé sur Le Roar de Neil Marshall, un film sorti en 1981 qui est resté connu. C'est un film avec des lions et qui a été un massacre sur le tournage. La moitié de l'équipe a été blessée par les lions. Aïe. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler de la production de ce film. Le fossoyeur de film avait fait une vidéo dessus. Et je crois que, justement, Yann de Bont a été scalpé par un lion sur ce tournage. Si, j'aurais peut-être du coup entendu parler, si le fossoyeur en a parlé. C'est un des tournages les plus sanglants de l'histoire du cinéma, je crois. Et Yann de Bont, c'est aussi un réalisateur avec les 2 Speed, Twister et le 2e Tomb Raider avec Angelina Jolie. Mis à part le 1er Speed qui est sympathique, voilà quoi. Ah, j'avais entendu dire du bien de Twister, moi aussi. Voilà. D'accord. C'est pas un film que je reverrai. Au casting, dans le rôle de Donna, on a Dee Wallace, une actrice américaine qui avait déjà joué dans La Colline à des Yeux et dans Hurlement, et l'année précédente aussi dans E.T., c'est elle qui joue, ouais, la mère. Gamin. C'est d'ailleurs le rôle qui l'a révélé au public, quoi. Ouais. Alors, après, sa carrière, étrangement, n'a pas vraiment pris d'essor, malgré ses films plutôt populaires. Elle a eu beaucoup de rôles, hein. Elle a une carrière active, mais souvent dans des seconds rôles. On la voit dans Fantôme contre Fantôme, et apparemment, ça doit être une actrice appréciée de Rob Zombie, puisqu'elle est dans Son Halloween, dans The Lord of Salem, et dans Three from Hell. D'accord. Et, coïncidence amusante, elle a joué dans Alligator 2, la mutation en 91, qui est la suite de l'incroyable Alligator de Lewistig. D'accord. Dans le rôle du gamin Tad, on a Danny Pintoro, qui a eu un rôle très important dans une série. Est-ce que tu saurais me dire laquelle ? Un rôle très important dans une série. Que même moi je connais, même si j'en ai pas vu beaucoup. C'est dans Madame est servie. Ah tiens ! Il joue le rôle du gamin dans Madame est servie. Ah d'accord ! Et maintenant il a arrêté sa carrière et il tient un restaurant, donc il a fait une Weibull. Qui s'appelle Madame est servie. Je ne sais pas. Dans le rôle de Vic, on a Daniel Hugh Kelly. C'est son premier rôle au cinéma, en dehors de ça, il a surtout joué à la télévision et au théâtre, il n'y a rien de particulier à en dire. Et dans le rôle du père des Camber, donc Joe Camber, celui qui bat sa femme et qui est la deuxième victime de Cujo, on a Ed Lauter, lui aussi plutôt un acteur habitué des seconds rôles, voire troisième rôle, au cinéma et à la télévision, avec une assez longue carrière, mais j'ai pas l'impression qu'il ait eu de premier rôle notable. D'accord. Et l'acteur qui joue Steve, bah, c'est ironiquement le mari de Dee Wallace à l'époque, alors qu'il joue son amant, mais sa carrière n'a pas l'air d'être particulièrement énorme, ou du moins pas au cinéma et à la télévision. Au moment du tournage, apparemment ça s'est fait dans le froid, oui. Il faisait très très froid dans la voiture, alors qu'ils sont censés jouer au contraire des chaleurs énormes. Apparemment à un moment, Dee Wallace avait demandé à ce qu'on installe des ventilateurs dans la voiture parce que c'était plus possible, enfin des chauffages dans la voiture plutôt. Et vu que ça faisait trop de bruit, c'était obligé de les couper. Avant les prises, ouais. plusieurs voitures ont été achetées et partiellement démontées parce que ça permettait à la caméra de mieux se faufiler et de diversifier les plans. Donc ils ont pas mal de voitures différentes, ils ont de la chance parce que c'est un modèle assez courant et c'était assez simple à trouver en casse en fait. Et du coup, ça permettait de faire des bagnoles avec des ouvertures sur le dessus, sur l'arrière, sur les côtés. Ouais, c'est voilà. Ça. Et c'est vrai qu'on y reviendra, il y a pas mal de plans assez imaginatifs. Ça diversifie pas mal la manière de filmer dans la voiture. Mmh. Le plus souvent, Cujo, le chien, je veux dire, pas le titre, hein, l'animal lui-même, est joué par des vrais chiens qui sont dressés par Carl Lewis Miller. Alors, personne n'est tout à fait d'accord sur le nombre de chiens utilisés. Il y en a certains qui montent jusqu'à 10, mais l'avis, à mon avis, le plus fiable, c'est celui de Teresa Ann Miller, la fille du dresseur, qui, elle, dit 4. Et comme elle a vécu avec eux, je pense que son avis est le plus proche de la vérité. Pour certaines scènes, il y a des animatronics et des marionnettes qui ont été utilisées, quand le chien se frappe la tête dans la voiture, par exemple. On va pas demander de faire ça à un vrai voilà, un animal, hein, forcément. Ou même un homme en costume de chien pendant le combat final. Il y a un cascadeur dans le costume de chien. Oui. Ils ont aussi apparemment essayé de mettre d'autres races de chiens dans le costume, mais ça rendait pas du tout bien, donc il n'y a aucun plan qui a été gardé avec ce concept-là. Surtout des labradors, parce que c'est des chiens assez faciles à dresser, mais ouais. Ça rend pas forcément bien, c'est pas exactement la même carrure, quoi. Ouais, apparemment, au début, justement, Carl Lewis Miller avait suggéré qu'on ne prenne pas des Saint-Bernard, parce que c'est des chiens qui sont durs à dresser, et surtout, c'est des chiens qui sont pas particulièrement athlétiques, au sens où ils ont pas une agilité redoutable, et ils vont pas être particulièrement rapides. c'est des gros nounours, quoi. Ouais, voilà, donc il y a certaines scènes qui ont été particulièrement difficiles à faire, dont la scène finale où Cujo saute par la fenêtre. Mmh. Apparemment, celle-là, il a eu beaucoup de mal à dresser un chien pour faire ça, et il avait dit, il y aura qu'une prise. Hein. Avec une prise et par miracle elle était bonne. Ouais. Et oui, à la base c'était des Doberman que la production voulait. C'est Carl Lewis Miller qui voulait Doberman. La production justement lui a dit non. Ça aurait été tellement différent. Bah le Doberman on l'identifie mieux comme un chien méchant de base, tandis que le Saint-Bernard non. C'est ça. Le maquillage des chiens était fait avec des choses qu'ils pouvaient manger, donc il y avait du collier et du blanc d'œuf apparemment notamment, pour qu'ils puissent le lécher autant qu'ils veuillent. Attends, on va pas lui faire du maquillage à base de cyanure, hein. Ouais, voilà. On n'est pas des bêtes. Et dernier détail, le tournage s'est fait en Californie du Sud et pas dans le Maine, parce que ça coûtait trop cher d'aller tourner là-bas. La musique, enfin, est de Charles Bernstein, qui est un compositeur surtout actif dans la série B et le film de genre. Sa BO la plus connue, c'est celle des Griffes de la Nuit. Et il a fait aussi un autre Wes Craven, L'Ami Mortel, que je n'ai pas vu, mais qui a bonne réputation. Que je n'ai pas vu non plus. Il propose une BO assez typique des travaux horrifiques de l'époque, donc il y a une combinaison d'un orchestre assez réduit et de synthé. Elle se construit autour de trois thèmes principaux, un pour Cujo qui est au corps, comme il l'explique dans le commentaire audio, c'est dans un corps très grave, pour à la fois le côté chasse du corps et le côté menaçant de Cujo. Et les deux autres thèmes ne sont pas des thèmes de personnages, ils sont plus généraux, et il fait passer la BO de l'un à l'autre de manière assez habile. C'est très efficace, ouais. Il y a des petites touches anticipant la tension, même dans la première partie du film. Après, c'est une BO qui n'a pas une personnalité marquante, le compositeur en général n'a pas une personnalité marquée, mais dans le contexte du film, elle donne de l'ambiance et elle correspond très bien à l'époque. Surtout. C'est ça. Il fait des bonnes BO qui collent bien à ce qu'on voit à l'image, mais à écouter séparément, c'est pas extraordinaire. Bah, elle est sympa à écouter séparément, c'est juste que on va pas se dire tout de suite, c'est pas comme une John Williams où on reconnaît tout de suite que c'est John Williams. Et pourtant, John Williams, c'est une connaissance au compositeur, il le cite assez souvent dans les... Oui, dans les apparemment, il admire beaucoup John Williams, ouais. Le film rapporte 21 millions de dollars aux États-Unis pour un budget d'environ 5 millions, donc c'est plutôt un petit succès. Un bon petit succès. Il gagne le prix du public au Fantaporto Festival de 1987, et en dehors de ça, la réception critique est assez mitigée. Il y en a beaucoup qui le trouvent sans surprise et qui reprochent le changement de la fin. Alors qu'on reprochait à la fin King dans le livre, voilà. Hein. Magnifique. La critique du Los Angeles Times le qualifie, ça m'a fait rire, d'effrayant, gore et bestial. C'est une critique négative, au cas où on ne l'aurait pas noté. Et globalement, aujourd'hui, la performance de Dee Wallace est souvent soulignée comme étant un très gros point fort du film, mais la réalisation est notée comme étant peu imaginative. Et il a actuellement 61% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes et 2,7 étoiles sur Allociné. Eh bah... Donc sur Rotten Tomatoes, ça fait qu'il est 5e de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le vidéoclub, et 8e sur Allociné. Et ben je pense qu'il est grand temps de rétablir la vérité. Dee Wallace considère que c'est sa meilleure performance, Lewis Teague considère que c'est son meilleur film, et King le met dans sa liste des 10 adaptations, de ses 10 adaptations préférées, dans Stephen King Goes to the Movies, toujours, dont on a déjà parlé. et il pense que Di Wallace livre une des meilleures transpositions à l'écrit d'un de ses personnages. C'est même revendiqué en gros sur la jaquette du DVD Blu-ray. Oui. À Boston ? Ah merde alors ! Qu'est-ce que tu as à aller foutre à Boston ? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai pas payé une virée pareille ? Un mec qui roule sur l'or, pioche un peu dans le magot que tu caches sous ton matelas, hein ? Ce sera le pied que tu te dis, hein, Joe ? Et toi, t'iras tout de suite voir les putes, t'iras voir des films porno et t'attraperas une chaude pisse. Tu devrais faire gaffe, pervers, hein, parce que je te lâche mon chien au cul. Ce clébard, tu pourrais pas le faire sauter sur moi même si je te menaçais avec un rasoir dans chaque main. Et qu'est-ce qu'elle en dit, ta femme ? Bah, elle en sait rien, puis elle n'a pas besoin de savoir. Ah, oui, bien sûr. Elle est partie avec le môme chez sa sœur pendant une semaine. Et tu vas dépenser un morceau du pognon de la loterie. Ah, merde, tu sais, l'alcool, les putes et le baseball. Je tiens pas à faire ça tout seul, c'est pas marrant, allez viens. Oh, qu'est-ce que j'en ai à foutre, j'y vais. Ah, ah oui, alors ça c'est pareil. Ça c'est pareil. Et je pense qu'on va pouvoir passer à nos avis. Christopher, qu'as-tu pensé de Cujo, le film ? C'est très très bien, le film Cujo. C'est quoi ? C'est les gens qui trouvent que c'est pas bien. Et je pense que les gens qui trouvent que c'est pas bien, c'est ceux qui pensent que le fléau, c'est bien. Je pense qu'il y a un lien de cause à effet. Venez témoigner, dénoncez-vous, vous qui avez aimé le fléau. Non mais, les personnages sont bien travaillés, sont tous quasiment aussi bien écrits que dans le film. Alors il y a des raccourcis, certes, mais ils sont quand même bien écrits. Ouais. La réalisation, ok, il n'y a pas des grands moments extraordinaires, mais il y a quand même des moments très intéressants, notamment les passages dans la voiture. Le rythme est bon, les scènes d'action sont très bonnes, les attaques de Cujo, elles sont tellement pleines d'émotions. C'est vraiment, on flippe à ces moments-là. Non, vraiment, je comprends pas les avis négatifs en ce qui concerne Cujo. Je précise que avant l'enregistrement de cet épisode-là, je ne l'avais pas vu. C'est un film que j'ai découvert vraiment, littéralement, hier. Et vraiment, j'ai été sur le cul, en fait. Ouais, bah, un peu pareil. En fait, toi, tu l'avais déjà vu, par contre. Moi, je l'avais déjà vu. C'est un film d'horreur des années 80, comme il y en a eu pas mal. Et effectivement, je ne saurais pas dire quelle est la personnalité réelle de Lemmy Stigg, mais il fonctionne très bien dans son genre. Et il y a plein de choses que j'aime. Bon, déjà, parce que ça rappelle toute une ambiance que j'aime bien. Alors, c'est un peu moins crade quand même, mais c'est un peu le même esprit que les premiers Wes Craven. On retrouve cette image un peu sale, cette Amérique profonde, et ce côté très terre-à-terre de l'horreur, même comme puis vous y avoir dans Massacre à la tronçonneuse, en quand même plus family friendly. Ah, et encore, il y a plus de sang et de moments violents dans Cujo que dans Massacre à la tronçonneuse. Ouais, mais l'ambiance est quand même plus glauque dans Massacre à la tronçonneuse, faut pas exagérer. Hein. Non, oui. Mais oui, c'est un film que j'aime vraiment bien. Au niveau de l'image et des plans, comme tu le dis, il y a des trucs que je trouve très travaillé, et globalement il y a un montage super énergique qui en plus a été fait de manière à... enfin on voit pas les moments où c'est pas un vrai chien, je trouve. Ouais. Ça cache vraiment bien, et pour le coup il y a dû y avoir un sacré travail de dressage pour leur faire faire ça. Et même au niveau du maquillage, je trouve qu'on sent la bestiole qui se dégrade, qui est en train de limite mourir sur pattes. Ça c'est vachement bien fait, et il fait bien pitié en fait aussi, Cujo. C'est ça, il fait pas seulement peur. Oui, parce qu'au début, alors dans le roman on le voit au tout début, avant la morsure de la chauve-souris, alors que là, c'est la première scène du film. Donc, dès la première fois qu'on le voit, il a déjà sa blessure au nez. Mais oui, c'est super bien fait, la manière dont le chien dépérit au fur et à mesure du film, dont il se laisse aller, parce qu'il est de plus en plus crade, il traîne dans la boue, il se lave plus, il prend plus aucun soin de lui, en fait, tout simplement. Et ouais, c'est super bien fait. Le maquillage est magnifique sur le chien, ce qu'ils ont fait avec le maquillage sur les animaux. C'est juste bluffant. Ouais. Alors les scènes que je trouve très efficaces quand Cujo dépérit, c'est celle où il commence à être hyper sensible au son. Et c'est vachement bien fait, où tous les bruits qui sont un minimum agressifs vont être amplifiés dans le montage sonore du film. Ils sont vraiment désagréables. C'est notamment, je pense que tu penses à la scène où le père qui bat sa femme, du coup, parle avec son meilleur ami, comme quoi ils vont faire un tour en Californie ou je ne sais plus où. Et donc à ce moment-là, ils sont là, ils rigolent fort, il y a des bruits de vaisselle, il y a des gros bruits autour, et y a le chien qui pousse des gémissements, qui a tendance à se cacher les oreilles. Ouais, qui sont des bruits en soi bon, un peu forts, mais pas particulièrement dérangeants normalement, mais c'est souligné de manière à ce qu'ils deviennent assez agressifs, même pour le spectateur. Et c'est vrai qu'on a pas mal d'empathie dans ces scènes-là, envers Cujo, quoi. Ouais. Parce que c'est ça aussi qui réussit, c'est... On flippe de Cujo, mais à aucun moment, en fait, on souhaite le voir, voir ce qui lui arrive à la fin, quoi, en fait. Oui, voilà. À aucun moment, on se réjouit de le voir se faire abattre. Parce que vraiment, on a eu de l'empathie tout au long du film pour lui. Le montage, d'ailleurs, à la fin, je trouve, est fait de manière à souligner aussi cette empathie, parce que quand il reçoit un coup, c'est toujours des plans vus du point de vue de Cujo. Oui. On voit aucun moment du point de vue de Donna où elle donne un coup au chien, ce qui, j'imagine, est aussi en partie pour simplifier le tournage, parce que ça évite d'avoir à tourner à un moment où Dee Wallace donnait un coup à un des chiens. Oui, et puis tu sais jamais comment on va réagir un chien. Ouais, c'est ça. Pour le coup, c'est compliqué, quoi, même s'il est bien dressé... Voilà. Mais ça permet quand même d'avoir de l'empathie pour le chien, parce que tous les coups, du coup, on en ressent la violence. Et on a pitié de Cujo, on prend pas ça comme un moment de vengeance où on se réjouit. Et même les passages où, là pour le coup, c'est de l'animatronie, les passages où Cujo essaye de défoncer la portière avec sa tête en fonçant, ça fait flipper, et pour les personnages coincés dans la bagnole, mais aussi pour lui, on a mal pour lui, en fait, quand tu vois... le choc provoqué de sa tête contre la portière. Oui, surtout que ça laisse des bonnes traînées de sang. Ah oui, quand bien même on se doute que c'est pas un vrai chien qui est utilisé pour cette séquence-là, fort heureusement. Mais même, là c'est réussi, je trouve que c'est même mieux réussi que dans le roman, parce que dans la toute première scène, la première confrontation, dans le roman, Donna est à l'extérieur de la voiture, parce qu'elle farfouille un petit peu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a personne dans ce garage. Ouais. Donc elle farfouille, et là, Cujo sort du garage, et il y a une première confrontation, elle recourt dans la voiture rapidement. Oui. Alors que là, ils sont tout seuls, Donna et Tad dans la voiture, ils ne savent pas trop ce qui se passe, tout d'un coup, Cujo surgit contre la portière et commence à rentrer à l'intérieur, et c'est tellement flippant comment c'est amené. Il apparaît vraiment brutalement, surtout que dans la réalisation, c'est filmé de manière à ce que tu aies l'impression que tu aies des plans qui soient vus du point de vue du chien, mais qui est donc que tu t'attends à ce qu'il surgisse d'une direction, et en fait il surgit de l'opposé. C'est ça. Donc ça joue très, vraiment très bien avec nos attentes. Ouais. Et comme souligné, il y a énormément de plans très réussis dans la voiture. Alors j'ai pas noté son nom, mais tu parlais du côté imprévisible des chiens, et il y a une cascadeuse qui a eu une partie du nez arrachée par un chien, dans des conditions en plus un peu idiotes, parce que le chien avait été dressé à faire un certain mouvement d'attaque, entre guillemets, pour attraper un jouet au moment où la cascadeuse se penchait, et quand le réalisateur a dit couper, elle a poussé un cri de joie, elle s'est penchée, le chien fait son mouvement habituel, ce qu'il devait faire, sauf qu'elle s'y attendait pas. Donc. Et d'ailleurs même... Mais elle va très bien. Même l'équipe dit que c'est pas la faute du chien, en fait. Oui, c'est ça, ils ont conscience. C'est la faute à personne. C'est ça, c'est la faute à... sous le coup de l'émotion, tu fais un mouvement que t'aurais pas dû faire, parce que lui, ouais. Le chien, elle interprète ça comme l'ordre. Le chien, il fait ce qu'on lui dit de faire. Hein. C'est ça. Il est dressé pour. Il est bien dressé. Oui. Pour le coup. Mais donc, on peut parler un petit peu des différences, du coup, entre roman et film. Tout ce qui va être... alors, les développements de la famille Trenton... C'est bien ça, non ? Les héros, oui. Ouais. Le développement de la famille Trenton est le même que pour le roman, vraiment à très peu de différences. C'est vraiment l'autre famille, par contre, où il y a beaucoup de cuts. C'est-à-dire que on sent que le père est violent... parce qu'il a un ton sec envers la femme et l'enfant. Par contre, il n'y a pas de coup porté à l'écran, on voit, c'est pas clair que c'est un père qui bat sa femme. Alors, visiblement, il y avait une scène où il battait sa femme, mais qui a été coupée du montage final. À la limite, tant mieux, parce que le film est déjà assez dramatique comme ça. Mais donc oui, c'est surtout à leur niveau où il y a pas mal de cuts. Notamment, on voit pas du tout ce qui se passe une fois que elle et Brett s'en vont. Ouais. On voit pas du tout ce qu'ils font de leur côté. D'après Lee Gamblin, qui fait le commentaire audio du film sur l'édition Carlotta et qui a écrit un livre sur le tournage de Cujo, il y avait aussi une scène où on voyait Steve mettre à sac la maison, qui a été coupée au montage. D'accord, mais bon, on voit la maison mise à sac. On voit la maison mise à sac, ouais. Quand Steve décide de revenir de son séjour, entre guillemets, de sa réunion professionnelle, quoi. Ouais. Même ça, c'est pas évoqué, d'ailleurs, là... On nous dit qu'il y a des soucis au niveau du produit qu'ils ont commercialisé, donc ça fait... On nous dit clairement que ça fait vomir du rouge et uriner du rouge à des enfants, alors que ça, dans le roman, on nous le montre. Oui. Il y a tout un passage où on voit une petite fille malade qui vomit du rouge. ça, qui n'est pas du sang, c'est juste un colorant, une histoire de colorant. Mais... C'est juste, du coup, elle vomit du colorant. Mais forcément, ça fait mauvaise impression. Oui, voilà, c'est ça. Et tout ça, par contre, c'est zappé dans le film. Dans le livre, il y a aussi beaucoup plus la culpabilité de Vic vis-à-vis du mec qu'il avait engagé pour jouer dans la pub, justement. Oui, parce que, et puis, oui, il y a aussi des passages où il y a Vic et son ami, c'est Roger, je crois. Du coup, qui travaillent tous les deux sur cette pub-là, il y a des longs moments de discussion entre eux. Ça, c'est normal que ça ait sauté, que le film se soit concentré sur l'intrigue essentielle. Il n'avait pas tant de temps que ça non plus. C'est un film qui dure qu'une heure et demie. Hein. C'est ça, une heure et demie. Et puis, oui, ça va à l'essentiel. C'est vraiment ce qui compte le plus, c'est Cujo et l'attaque envers Donna et Tad. Ça va tellement à l'essentiel que, truc qui était assez récurrent dans les films de l'époque, ça coupe, mais vraiment dès la résolution. Mm. Comme on l'a dit, Tad ne meurt pas dans le film. Et Vic les rejoint, et à partir du moment où il est monté sur le perron et où les trois personnages, la famille, est recomposée sur l'écran, ça coupe et c'est le générique de fin. Mmh. C'était très récurrent les fins super brutales comme ça à l'époque. C'est ça. Et c'est un truc qui est pas mal, je trouve. C'est pas mal. Un très bon point que la survie de l'enfant nous apporte, c'est que ça nous apporte une nouvelle scène de flip, si tu vois à laquelle je pense, du coup qui est magnifiquement bien amenée, donc avec Donna qui réussit à rentrer dans la maison après avoir tué Cujo. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Parce qu'elle a réussi, du coup, à réanimer son fils. Et là, Cujo surgit en explosant une fenêtre, en sautant à l'intérieur de la baraque. Et là, elle l'abat froidement avec un flingue. Mais cette scène-là est tellement flippante, on s'y attend vraiment pas. Elle arrive de manière totalement inattendue, ouais. On s'y attend, mais carrément pas. Et elle est ultra bien réalisée, cette séquence-là. Et puis, surtout, le travail de dressage... Oui, c'est ça, ils ont bien galéré, donc... Bah ouais. Ça valait le coup, on va dire. C'est ça. Une voiture. Tire pendant que je pousse. Et j'y arrive pas. Tire. De par cette fin justement où Tad survit, interprète le film comme une histoire de femme dans la tourmente, donc c'est un trope qu'il explique comme étant une femme, une mère de famille qui, pour une raison ou pour une autre, déséquilibre l'équilibre familial et qui en fait va traverser une sorte d'enfer, une épreuve particulièrement forte qui va permettre le rétablissement de cet équilibre. Et effectivement, cette interprétation ne marche pas tellement si l'enfant meurt. Oui, clairement oui. Enfin, c'est une forme de rééquilibrage, hein. C'est un problème dans la famille, mais bon, quand même. Après, ça donne une raison, ça renforce la phrase du père au début du film qui dit « si on faisait un second enfant ». Ouais, bon, bon, tant pis, on va le remplacer. Un perdu. Difficile de retrouver. Voilà. On est horrible. Oui. Pardon. Comme on disait, les plans dans la voiture sont assez imaginatifs. Il y a notamment ce plan à 360 degrés où la caméra tourne sur son ex et filme alternativement Donna et Tad qui est en train de pleurer. Pendant que elle, Donna, est en train de tomber dans les pommes. Et ce plan-là a été tourné presque à l'aveugle par le caméraman puisqu'il était sur une plateforme surélevée qui faisait tourner la caméra mais qui n'avait pas de retour, donc il était obligé d'estimer plus ou moins à l'instinct où se trouvaient les deux personnages. Mmh. Donc très beau boulot sur ce plan. Qui fait accélérer la caméra de plus en plus vite. Ouais. Et du coup, c'est l'occasion aussi pour le compositeur de faire une musique ultra psychédélique à ce moment-là, quoi. Ouais. C'est vraiment là, mais cette séquence-là, il y a tout qui va. Les acteurs, la réal et la musique, tout va bien. Mais il y a plein de moments où il y a des petits trucs de réalisation comme ça, comme on l'a dit, donc ce final vu du point de vue de Cujo. Il y a aussi ce plan où Tad, donc, qui a peur du noir et qui a peur d'un monstre qui serait caché dans son placard, il est dans sa chambre, quand il éteint la lumière de la chambre, on se retrouve dans un décor de chambre très étiré, donc où le lit semble très loin. Il se met à courir, c'est au ralenti, et en fait, quand il saute sur son lit, la caméra va se retourner et donner l'impression qu'il est en lévitation sur son lit et qu'il va tomber au plafond. Et ce plan-là, je le trouve super bien fait aussi. Puis ça renvoie à des peurs enfantines qu'on a quasiment tous connues. Hein. Oui, aussi. Combien d'enfants ont déjà fait ça? Oui, bah, courir le plus vite possible jusqu'à son lit parce qu'on pense qu'il y a un monstre en dessous. Alors moi, pas ça, mais une fois, je m'étais perdu dans ma chambre en me levant la nuit une fois. D'accord. Les anecdotes de mon enfance. Puisqu'on en est aux anecdotes de sommeil, quand j'étais enfant, ça m'arrivait très souvent de me réveiller de manière totalement incompréhensible dans le lit. Genre les pieds au niveau de l'oreiller et la tête au niveau du pied de lit, quoi. Ouais, c'est toujours amusant les peurs enfantines à ce niveau-là. C'est vrai que ça envoie des trucs qui ont été vécus. C'est amusant quand t'en parles une fois que t'as passé plus tard, la vingtaine d'années, quoi. Oui, c'est ça. Parce que sur le moment, pas trop. Mais voilà, toute cette intro-là, bah, c'est un truc qu'on a tous connu, donc ça nous renvoie directement à nos peurs enfantines, ouais. Oui, alors le film aussi laisse très tôt des espèces d'aperçus de ce qu'il va être plus tard. D'ailleurs, le compositeur explique que c'était pour justement pas trop tromper le public en lui faisant croire qu'il va avoir un film idyllique et en ayant tout de suite cette idée que ça allait dégénérer. Donc il y a déjà le logo Cujo qui te fait comprendre que t'es pas dans une comédie. Oui, qui est un petit peu ensanglanté. Et la réelle première apparition de Cujo, avant qu'on le voit en entier, en fait, c'est on voit ses pattes qui encadrent le lapin. Et là, t'as son thème assez grave. Et donc, en fait, la première apparition de Cujo est déjà un peu menaçante. Oui, il est pour un lapin, lui, le lapin. Mais déjà menaçante. Bah oui, t'as le lapin qui est emprisonné entre ses pattes selon le cadre dans lequel on te montre, quoi. Oui. Avec de la bave qui dégouline en plus, donc oui. Je sais plus qui dans le... C'est peut-être Ligambine dans le commentaire audio qui en parle comme d'un plan à la Madame Robinson. C'est une des premières apparitions de Madame Robinson aussi dans Le Lauréat. Oui, comme ça. Je crois que c'est bien lui qui en parle. Avec Dustin Hoffman enfermé entre les jambes. Vous voyez, Le Lauréat, il n'y a pas de chien, mais c'est bien quand même. Oui, voilà. Donc voilà, moi, vraiment un chouette film de cette époque, très efficace. En plus, bon bah moi, je suis pas fan des chiens, je crois qu'on l'a déjà évoqué dans cette émission. Oui, t'as vu. C'est un animal, j'ai pas peur des chiens, mais c'est un animal que je n'aime pas. Et donc, ça marche peut-être d'autant mieux, d'autant plus facilement sur moi. Tu es team chat, comme on dit. Ouais, voilà, clairement. Alors que moi, je m'en fous, j'aime autant les deux. Une très bonne adaptation d'un roman vraiment efficace. Et ouais, un côté brutal que j'aime bien et qu'on retrouvera pas souvent, cette espèce d'horreur crasse de l'époque. Moi, j'aimerais quand même souligner quelque chose, c'est qu'on a toujours tendance à se plaindre dans le cinéma, souvent à raison, il faut être honnête, comme quoi les enfants jouent mal. Or là, parce qu'on l'a pas souligné, on a parlé que de elle, mais le gamin joue à la perfection. Oui, il est excellent. Vraiment, la scène où il fait une espèce de crise d'épilepsie, c'est flippant. Ouais. Parce que vraiment, il le joue, mais à la perfection. Alors de ce qu'il dit, il en avait fait étant plus petit, donc il savait comment ça se passait. Il savait comment ça se passait, mais le gamin, vraiment, il joue parfaitement, quoi. C'est d'autant plus étrange de dire que maintenant, il a plus de carrière, quoi. Bon, il est passé à autre chose, quoi. Je pense que c'est de son choix. Hein. Voilà, peut-être. C'est parce que quand il parle, lui, du tournage, il en est très satisfait. Il a l'air d'avoir que des bons souvenirs de ce tournage. Visiblement, il était très encadré, très protégé, donc... Et c'est important de le préciser parce que c'est pas que elle en fait la réussite de ce film, c'est aussi lui, c'est aussi le gamin, parce qu'ils auraient pris un gamin qui joue mal, clairement, bah, le film aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. Bah elle le reconnaît d'ailleurs elle-même, elle dit qu'elle était heureuse d'être avec cet enfant-là qui jouait bien, et finalement elle avait pas absolument tout porté sur ses épaules. C'est ça. Cujo, c'est vraiment l'exemple typique, et c'est ce que le réalisateur dit de son propre film, c'est l'exemple typique d'un film qui réussit parce que c'est plein de personnes talentueuses qui se sont réunies à ce moment-là et qui ont fait ce film-là. C'est un film qui, dans les mains de quelqu'un d'autre, aurait pu être catastrophique. Des films d'attaque d'animaux bien merdiques. Il y en a plein, je suis un expert des films d'attaque animaux. Ouais. Il y en a énormément et Cujo est réussi. Voilà. Et pourtant, c'est quand même un genre qui compte plus de mauvais films que de bons films. Ça, oui, effectivement. Bon, maintenant, sur tes conseils, j'en prends régulièrement quand j'en trouve, et c'est rarement un genre très satisfaisant. Bah, c'est-à-dire que même les réputés bons, quand tu les regardes, tu fais « bon, c'est sympa, mais c'est pas extraordinaire ». Ouais, mais, voilà. Genre, les gens, Razorback, c'est sympa, mais c'est pas un grand film, quoi. Voilà, par exemple. Alors, je dévie un peu du sujet, mais il y a une chaîne canadienne qui a produit, je crois, une trentaine de films d'attaque d'animaux qui étaient passés quelque chose comme mensuellement à l'époque. J'en ai vu un de la série et depuis je rêve de trouver les autres parce que c'est phénoménal. Ah. Il va falloir... Il y a un sujet de podcast, là. Il y a... Ah, mais les attaques d'animaux, en laissant de côté les requins parce que c'est chasse gardée, oui, c'est voilà. Faisable. On va se faire ça, on va y réfléchir. On retient pour plus tard. On retient pour plus tard. Ben, je pense que là, maintenant, on a vraiment fait le tour du film. Pour moi, on a fait le tour du film, donc on va pouvoir passer au comparatif de scène. C'est parti. Alors, pour le comparatif de scènes, on aurait pu s'attendre à ce qu'on prenne une scène du huis clos entre Donna, Tad et Cujo, sauf que ces scènes dans le film sont quasiment muettes. On a des bruits de cris, on a des bruits du chien, des grognements, mais il n'y a pas vraiment de dialogue, donc vous passer à l'audio, ça n'aurait pas été très intéressant. Donc on s'est décidé pour une autre scène, très intéressante elle aussi, c'est la dernière fois que Brett, donc le gamin des Camber, le propriétaire de Cujo, va voir son chien, et donc son chien qui est déjà bien malade à ce moment-là, et donc ça va être leur dernière rencontre. Alors, nous lisons la version du livre de poche, la traduction est de Nathalie Zimmermann, et nous sommes à la page 148. Ce lundi, le matin se leva sur un paysage de gris sombres ou clairs. Le brouillard était tellement épais que Brett Camber n'arrivait pas à distinguer le chêne qui se dressait dans la cour, face à la fenêtre de sa chambre. L'arbre ne se trouvait pourtant pas à plus de 30 mètres. Tout dormait dans la maison, mais lui, Brett, ne se sentait plus du tout fatigué. Il allait accomplir un voyage, et chaque fibre de son être vibrait à cette nouvelle. Rien que sa mère et lui. Ce serait chouette, il le savait, et inconsciemment, tout au fond de lui-même, il se réjouissait de ce que son père ne les accompagnât pas. Il serait libre d'être lui-même. Il n'aurait pas à s'efforcer d'atteindre ce mystérieux idéal de virilité auquel son père avait déjà atteint, mais que lui ne parvenait pas même encore à comprendre. Il se sentait bien, merveilleusement bien et plein de vie. Brett n'éprouvait que compassion pour ceux qui ne s'apprêtaient pas à partir par cette belle matinée opaque qui se transformerait en fournaise dès que le brouillard se serait levé. Il avait déjà prévu de s'asseoir près de la vitre dans le car et de ne pas perdre un seul kilomètre du trajet depuis la gare de la rue Spring jusqu'à Stratford. Il avait mis très longtemps à s'endormir la nuit dernière et il n'était pas encore 5 heures, mais il finirait par exploser s'il restait 1 heure de plus au lit. Faisant aussi peu de bruit que possible, l'enfant enfila un jean, son t-shirt imprimé au nom des Castle Rock Cougars, une paire de sockets de sport blanches et des baskets. Il descendit à la cuisine et se prépara un bol de céréales au chocolat. Malgré ses efforts pour manger doucement, il était certain que l'on percevait dans toute la maison le croustillement de ses grains de riz soufflés, aussi fort qu'il résonnait dans sa tête. Brett entendit là-haut son père grogner puis se retourner dans le grand lit qu'il partageait avec sa mère. Les ressorts gémirent. La mâchoire du petit garçon s'immobilisa. Après un instant de réflexion, il décida de prendre son deuxième bol de céréales sous le porche et fit très attention à ne pas faire claquer la porte en la refermant. Le brouillard épais rendait les parfums de l'été plus distincts. L'air était déjà chaud. À l'est, juste au-dessus du léger moutonnement que formait la rangée de sapins tout au bout du champ, Brett aperçut le soleil, petite boule argentée qui évoquait la pleine lune lorsqu'elle est haut dans le ciel. L'humidité semblait encore palpable, lourde et enveloppante. Dès 8 ou 9 heures, le brouillard se serait dissipé, mais l'humidité, elle, subsisterait. Pour le moment, l'enfant ne voyait qu'un monde blanc et mystérieux qui lui livrait ses charmes cachés. L'odeur entêtante de la haie prête à subir la première taille de l'année, de l'engrais, des roses de sa mère. Il percevait même les senteurs atténuées du gigantesque chèvrefeuille de Gary Pervier qui recouvrait lentement la clôture, la noyait sous une marée de grappes avides et écœurantes. Brett posa son bol et se dirigea vers ce qu'il savait être la grange. À mi-chemin, il se retourna et ne distingua plus de la maison qu'un contour imprécis. Il était seul au milieu de tout ce blanc, avec un minuscule soleil d'argent pour veiller sur lui. Il respirait la poussière, la rosée, le chèvrefeuille et les roses. Puis, le grondement retentit. L'enfant sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Il recula d'un pas, tous ses muscles tendus. Comme un petit garçon qui se trouvait soudain plongé en plein conte de fées, sa première pensée fut « Un loup ?» Et il jeta autour de lui des regards affolés. Il ne put rien discerner d'autre que du blanc. Cujo jaillit du brouillard. Brett émit un gémissement. Le chien avec qui il avait grandi, qui avait poussé avec tant de patience la petite voiture fabriquée par Joe d'un Brett triomphant et joyeux alors âgé de 5 ans. Le chien qu'il attendait tous les jours, qu'il vente ou qu'il neige près de la boîte aux lettres pendant l'année scolaire. Ce chien n'avait que peu de ressemblance avec l'apparition boueuse et hirsute qui se matérialisait lentement dans la brume matinale. Les grands yeux tristes du Saint-Bernard apparaissaient maintenant rouges, rétrécis et dénués d'intelligence. plus semblables à des yeux de porc qu'à ceux d'un chien. Son pelage était maculé d'une boue verdâtre comme s'il s'était roulé dans les marécages situés au bout de la prairie. Son museau s'était retroussé en un terrible rictus qui fit frémir l'enfant d'horreur. Brett eut l'impression que son cœur tentait de se frayer un passage dans sa gorge. Une écume blanche et compacte s'écoulait lentement de la gueule du chien. « Cujo ?» souffla Brett. « Cujo ?» Cujo examina le garçon sans plus reconnaître ni son apparence ni les nuances de ses vêtements. Il ne pouvait distinguer véritablement les couleurs, du moins au sens où l'entendaient les humains, ni son odeur. Il n'eut que la vision d'un monstre sur deux jambes. Cujo se sentait malade et tout lui apparaissait horrible et déformé maintenant. Une envie de meurtre lui remplissait la tête. Il éprouvait le besoin de mordre, d'arracher, de déchiqueter. Son esprit projetait déjà une image dans laquelle il se ruait sur le garçon, le faisant tomber à terre, déchirant des lambeaux de chair et d'eau, puis buvant le sang qu'un cœur à l'agonie faisait jaillir en flots convulsifs. Puis la silhouette monstrueuse se mit à parler et la voix résonna familièrement aux oreilles de Cujo. C'était le garçon, et le garçon ne lui avait jamais fait le moindre mal. Il fut un temps où il aimait le garçon, où il serait mort pour lui si on le lui avait demandé. Ce sentiment restait assez fort pour repousser l'idée de tuer, jusqu'à ce qu'elle devint aussi opaque que le brouillard. Son désir sanguinaire se mêla au courant impétueux de sa douleur. « Cujo, qu'est-ce qui ne va pas, mon vieux ?» Ce qui subsistait de l'animal sain, celui d'avant la blessure, se retourna, et avec lui, le chien contaminé, dangereux, qui pour la dernière fois se voyait contraint d'obéir. Cujo s'éloigna, disparaissant dans la brume. Sa gueule laissa tomber des flaques d'écume dans la poussière. Le Saint-Bernard adopta une course pesante, espérant distancer la souffrance, mais elle le poursuivit, bourdonnante, lancinante, l'emplissant d'une haine et d'une folie meurtrière qui le torturaient. Il se roula dans les fléoles des prés et, les yeux fous, y donna des coups de dents. Le monde n'était plus qu'une mer déchaînée de parfums. Cujo voulait retrouver la trace de chacun d'eux pour en éliminer la source. Le chien se mit à gronder. Il se dressa sur ses pattes et s'enfonça dans le brouillard qui commençait à peine à se lever. L'animal constituait une masse de près de 100 kilos. Et maintenant, la même scène dans le film. Cujo. Tranquille, mon vieux. Je veux pas te faire de mal. Cujo. Cujo. Cujo. Cette scène, qu'as-tu à en dire, Christopher ? Alors déjà, chose qu'on n'a pas précisé juste avant, si on a choisi cette scène, c'est également parce que dans le roman, c'est une scène vue du point de vue d'un humain et vue du point de vue de Cujo. Chose du coup qui, on l'a dit, n'est pas du tout présent dans le film. Et c'est ça du coup qui est intéressant dans cette scène-là. Il y a des moments du point de vue du chien dans le film, mais pas à ce moment-là. Et puis on n'est pas dans ses pensées, on l'entend pas penser ou définir les gens comme il le fait là dans l'extrait qu'on vient de lire. Comme je t'ai dit en off, moi le doublage par Christian Clavier qui se remet de l'incroyable voyage, j'aurais été pour. Hein. Non merci. Je pense que Cujo irait mieux avec la voix de Jean Reno, hein, pour reciter l'incroyable voyage, mais bon. Et c'est une scène qui, dans le roman, fonctionne bien, parce que, encore une fois, bien écrite, est bien décrite par King, parce qu'on est dans cette ambiance très marécageuse, très dans le brouillard, on a du mal à comprendre où est le personnage et ce qu'il est en train de voir, et c'est très très bien retranscrit dans le film. Oui, alors apparemment il s'est tourné vraiment en extérieur et ils ont projeté de la fausse brume, tellement de fausse brume qu'ils ont fait venir les pompiers du comté qui voyaient une brume et ils pensaient que c'était de la fumée s'élever de la campagne, donc ils se sont rendus sur place. Par chance, alors que la scène était déjà tournée, sinon ils auraient un peu gâché la journée de tournage. C'est ça. La prochaine fois, prévenez les pompiers avant de faire un truc comme ça. Merde. Ça fait aussi partie des scènes où l'équipe avait l'intention d'utiliser un autre chien plutôt qu'un Saint-Bernard. Oui, parce qu'il n'était pas assez menaçant, c'était un peu compliqué de lui faire faire ce qu'il y avait à faire. Mm. Dans le livre, ce qui est bien, c'est que vraiment on sent toute la lutte de Cujo pour dominer sa maladie, pour en fait il se rend compte que s'il a de la haine envers le gosse, c'est pas normal, c'est pas son état normal, et il arrive une dernière fois à se retenir. Il se souvient que l'enfant, il a de l'affection pour lui. Ouais, mais comme c'est dit dans le texte, c'est la dernière fois que ça arrivera, après il se laissera totalement dominer, après il verra plus personne qu'il apprécie de toute façon. Voilà. Il va voir Joe Camber, mais qui a jamais été tendre avec lui, donc il va pas se retenir. Oui, c'est ce que King nous dit, parce qu'après il y a encore un petit passage avec Brett qui reste là, dans la brume, à se demander en fait ce qu'il vient de voir, quoi, ce qui s'est passé, et on nous précise bien que c'est la dernière fois que Brett verra son chien, quoi. Mm-hmm. Mais il y a un effet miroir en plus entre les deux lectures, parce que les deux vont se souvenir de leur jeunesse, enfin de leur jeunesse, des années passées. Brett qui se souvient du chien avec qui il s'amusait, et Cujo qui se souvient qu'il était prêt à mourir pour ce gamin-là. Oui. Donc pareil, l'effet miroir fonctionne bien, c'est vraiment deux vieux amis qui se retrouvent une dernière fois. Et du coup, les deux scènes sont réussies malgré le fait qu'on ait cet effet miroir de la pensée de Cujo en moins, quoi, tout simplement. Oui. Mais la scène est quand même... disons que la scène apporte, dans le roman, elle apporte de l'affection et de l'empathie pour Cujo. Dans le film, elle apporte une crainte. Oui, dans le film, c'est la première fois qu'il est réellement menaçant, Cujo, à surgir de la brume, puis à se retirer. Et c'est vrai qu'on se demande quelles sont ses pensées. À ce moment-là, on peut se dire que c'est juste... qu'à ce moment-là, il décide de pas attaquer, mais on sait pas trop les raisons. Et c'est vachement bien fait, la manière dont il s'enfonce dans la brume. Mmh. Là, il y a presque une ambiance un peu fantastique à ce moment-là. Oui, complètement, ouais. Donc voilà, c'est deux scènes totalement réussies, malgré le fait que les deux en fait montrent quelque chose de totalement différent. De toute façon, c'était un choix à faire pour le film, hein, parce que tu peux avoir des plans vus du point de vue du chien, mais il faut que ça communique des choses très simples, parce que vraiment montrer les pensées d'un chien, c'est extrêmement compliqué, j'imagine, à moins de le faire parler, encore une fois, mais dans un film comme ça, ce serait pas passé. C'est compliqué, et surtout ça peut amener du ridicule. Oui. Aussi. Ça marche dans un film un peu comique et compagnie, mais ça, dans un film d'horreur, je pense pas que ça puisse passer. Je pense que la suspension constante d'incrédulité du spectateur irait pas jusque-là. Mmh, tout à fait. Il y a un truc que j'avais pas évoqué, qui m'a fait plutôt sourire à la relecture. Tu parlais d'effet miroir, et il y a une scène qui m'a beaucoup fait penser, dans Cujo, à une autre scène dans Salem. C'est dans Salem, la scène où les deux mecs vont dans la maison pour déposer le cercueil. Ouais. Ils sentent une présence maléfique et tu sais, ils s'en vont vite. Et t'as à peu près la même scène dans Cujo, c'est quand les mecs vont amener le treuil que la femme a offert à son mari, oui, et qui tombe nez à nez avec le chien qui arrive à se contrôler encore mais qui flippe et qui du coup se reprécipite également dans leur camion aussi. Oui. Et j'ai trouvé que les deux scènes se répondait un petit peu, c'était assez rigolo. Ouais, j'avais pas du tout noté ça, tiens, ouais. Tu vois, j'ai ressenti ça à la lecture, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on dirait vraiment une scène miroir avec un autre roman de King écrit des années avant, pourtant. Mm-hmm. Voilà, c'était juste un petit truc que je voulais rajouter. 10 ans avant, hein, seulement. Voilà, mais c'est... oui, c'est une bonne remarque, j'avais pas du tout noté ça pour le coup. Bah, de rien. Merci. Merci de ta présence indispensable. Bah, écoute, est-ce que je peux être payé maintenant? Oh, on en discute en off. Je pense qu'il est temps d'aller au classement. Ouais, il est temps de passer au classement, vite. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le classement en livres. On a pris du coup la décision de ne citer que les premiers et les derniers. Ouais, vous retrouverez de toute façon la liste complète dans la description. Parce que bon, ça commence à être un peu long. Du coup, niveau livre, nous avons en trio de tête Cimetière, La Part des Ténèbres et La Tour Sombre. Et en trio, pour boucler ce classement, en 9e position, Bon Ménage. En 10e, Les Enfants du Maïs. Et en 11e, Le Dentier Claqueur. Pour moi, Cujo, ça va déjà clairement dans le top 5. Donc ça sous-entend que Carrie va... descendre oui, un peu. Non, c'est sûr que Carrie va sortir du top 5. Voilà. Et moi, alors, j'ai toujours le souci de La Tour Sombre, que je n'ai pas lu dans son œuvre totale, hein, on est d'accord. Mm-hmm. Donc c'est compliqué. Parce que pour moi, clairement, Cujo, ça va au-dessus de Salem. Ouais. On est d'accord sur ce point-là. Mais Bah pour moi, Cujo, ça va au-dessus du premier tome de La Tour Sombre, mais je ne peux juger La Tour Sombre que pour son premier tome. Et là, Issam me regarde avec des grands yeux. Autant ça, je te l'ai accordé pour La Part des Ténèbres, autant pour Cujo, j'ai plus de mal. Parce que c'est une peur qui marche très bien sur moi, il y a toute l'écriture psychologique des personnages qui est vraiment soignée, mais j'ai quand même moins d'affection pour Cujo que pour La Tour Sombre. Mais là, c'est purement subjectif, c'est vraiment une histoire des moments les plus brillants de La Tour Sombre, fonctionne très bien. Après, il y a cette fin de Cujo qui a une certaine audace, qui peut-être mérite d'être récompensée. C'est ça. Ouais, c'est compliqué. Après, clairement, en quatrième position, c'est pas une place dégradante. J'ai envie de dire que c'est pas une place dégradante s'il est en quatrième, même s'il descendra encore par la suite. Mais dans tous les cas, c'était clair qu'il rentrait dans le top 5. Est-ce qu'il rentre dans le tome 3 maintenant? C'est ça. Mais pour moi, oui, mais je n'ai lu que le premier tome de La Tour Sombre. C'est ça qui est très compliqué, en fait, avec ce classement. Si tu ne devais juger que La Tour Sombre que pour son premier tome. Je pense que ça irait au-dessus, si je devais juger qu'au premier tome. C'est ça, Ça va au-dessus du tome 1. Ouais, allez, on va accorder la troisième place à Cujo. Parce que c'est un gentil chien. Un bon toutou. Parce que c'est un... Puis comme ça, on pourra pas dire que je discrimine les chiens. Il y a un chien et un chat dans notre top 3, voilà. Comme ça, c'est un goût de dogo. Voilà. Et bah, c'est parti, du coup. Cujo rejoint notre classement à la troisième place. Et pour les films, nous avons en premier Carrie de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom et La Part des Ténèbres de George Romero. Et enfin, nous avons La Tour Sombre de Nicolas Jarcel, Les Démons du Maïs de Donald P. Bancher et en bon dernier, Le Fléau de Mick Garris. Et donc là, moi, la question par rapport à Cujo va être... Alors, très clairement pour moi, c'est dans le top 5 aussi. Ouais, je suis d'accord. Au-dessus de Cimetière, ça jusque-là, j'ai pas trop de mal. Ouais. Ma question, c'est à quelle place sont... Enfin, en dessous de 1408 aussi, ça, j'ai pas trop de mal à décider. C'est vraiment la place où on le met par rapport à La Part des Ténèbres qui me pose problème. Je pense que... Et en fait, du coup, il serait pas resté longtemps dans le top 3, mais je pense que je préfère Cujo à La Part des Ténèbres. Je pense aussi. Parce qu'il y a le côté très resserré de la deuxième moitié... Niveau réalisation, je les trouve à peu près équivalents, équivalent, même si Romero a plus de personnalité que Lewis-Stieg. Et ouais, je sais pas, c'est une peur qui marche mieux sur moi, en film en tout cas. Moi je te suis. Cujo 3ème place, non, ça me perturbe pas plus que ça. C'est proche, hein. Dans tous les cas, il est proche de La Part des Ténèbres. Moi les deux places me paraissent cohérentes, mais... C'est ça, mais c'est vraiment des films assez égaux en fait, en tout. Hein. La réalisation est bonne pour les deux, les acteurs aussi. Je te laisse trancher. J'ai pas de. Pour moi, j'ai pas d'objection. Et pour moi, il est bien et en quatrième place et en troisième place. Bon, allez, disons troisième place. Donc à la place de la part. Désolé, Romero, hein, t'auras une nouvelle chance plus tard. Mais... Il est toujours dans le top 5. Oui, il est toujours dans le top 5, mais bon, il va en sortir un jour aussi. Il est toujours dans le top 10, bon, d'accord, c'est plus facile. Il est toujours dans le top 100. Mais du coup, ça voudrait dire que Cujo obtient la troisième place et dans le classement livre et dans le classement film. Oui, c'est un des rares qui va être à la même place dans les deux. D'accord, rigolo. Donc Cujo, troisième des films, troisième des livres. Donc, c'est tout pour nous aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Pour toi, @cinémaarchiviste. Oui. Pour moi, @degrédébulle. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. Et on anime d'autres podcasts, Casse sur table et La Guerre des Clapes. Donc consacré le premier aux nouveautés BD, comics, manga, et le deuxième à des films divers. Là, soit il sera sorti, soit il va sortir. Ça tombe bien, c'est la saison. Oh la vache. Donc le prochain Guerre des Clapes, soit il est sorti, soit il va sortir, ce sera sur L'Armée des Ombres. C'est ça. Réalisé par Jean-Pierre Melville avec Lino Ventura. Et on se retrouve, nous, dans deux semaines pour Kingdom Hospital, la série de Craig Baxley. Et en attendant, n'oubliez pas... Que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. A plus. Salut.